Quelques jours après, un matin, l'on frappa à la porte de la chaumière. Kotaro travaillait déjà dans la forêt. La mère vint ouvrir. Sur le seuil se tenait une très belle jeune fille, son baluchon à la main. « Je cherche un certain Kotaro, » dit-elle. « Que lui voulez-vous ? » interrogea la mère méfiante. Elle ajouta en maugréant, « Il n'est pas là, mais il ne rentrera qu'à la tombée de la nuit. » « Cela ne fait rien. Je l'attendrai, » fit la jeune fille d'une voix douce, et elle s'assit devant la maison, son baluchon posé à côté d'elle. Tout le jour, elle resta là. Quand les parents lui jetaient en passant un coup d'œil curieux, elle répondait d'un sourire modeste. Enfin, Kotaro rentra. Il était fatigué et triste, comme tous les jours depuis le départ de la grue cendrée qui avait charmé son cœur. « Bonjour, » dit la très belle jeune fille. « Qui êtes-vous ? » demanda Kotaro. « J'ai des choses importantes à vous dire. » Et elle sourit. « Entrez, » dit Kotaro d'un ton las. Mais comme il croisait son regard sur le seuil, il aperçut dans les yeux de la mystérieuse jeune fille une infinité de ciel gris, et il eut le cœur troublé. « Monsieur Kotaro, » dit la belle visiteuse, « mon nom est l'humble Osaku. Je sais coudre, tisser, cuisiner, allumer le feu, et aucune tâche ne me rebute. Je désire vous épouser. » Kotaro regardait cette très belle jeune fille, stupéfait. « Vous nettoierez aussi la cabane ? Balayerez le seuil ? Soignerez le père qui est malade ? » questionna la mère. « Je serai une bru docile et je vous servirai, mère, » dit l'humble Osaku en baissant les yeux et en inclinant le buste avec respect. « Épouse-la, Kotaro, » décida la mère. Ainsi fut fait. Marié à l'humble Osaku, Kotaro connut sa beauté, alliée à la douceur de cœur, la modestie, le courage, l'ardeur au travail. Elle exécutait toutes les tâches sans jamais se plaindre. La mère était satisfaite. Et la joie revint peu à peu dans le cœur du jeune homme. Le temps passa. La mère, qui ne faisait presque plus rien, avait le temps de réfléchir. Un jour, elle dit à sa bru. Humble Osaku, « j'ai regardé par hasard dans votre baluchon que vous aviez caché au fond de l'armoire et découvert un morceau d'étoffe merveilleuse. Est-ce vous qui l'avez tissé ?»« Oui, mère. »« Eh bien, ma fille, pourquoi ne pas vous mettre au travail ? On vous procurera un métier à tisser et vous nous fabriquerez une étoffe que nous pourrons vendre à la ville. »« Mère, » fit timidement l'humble Osaku, « nous sommes pauvres, mais ne manquons de rien. Et ce travail comporte des dangers. » La mère n'écouta pas. Elle avait le cœur empli de désirs inassouvis. Elle fit le siège de son fils. Tant et si bien qu'un soir, Kotaro dit à son épouse, « Ma tendre amie, pourquoi ne voulez-vous pas tisser cette merveilleuse étoffe que ma mère a aperçue dans votre baluchon ? Nous pourrions récolter des pièces d'or que ma mère pourrait mettre dans le coffre à la place des piécettes de cuivre. Nous serions enfin riches. » L'humble Osaku céda, mais elle avertit son époux. « Tisser cette étoffe exige que je m'enferme pendant un mois dans le grenier et que nul ne vienne me déranger. » 4 longues semaines s'écoulèrent. Quand l'humble Osaku réapparut, elle était pâle, amaigrie, épuisée, et semblait presque aux portes de la mort. Mais elle tenait dans ses mains une étoffe extraordinaire, un tissu aux couleurs éclatantes, à la fois chaud et léger, doux au toucher comme de la soie, et confortable comme un duvet, un tissu comme nul jamais n'en avait vu. Kotaro alla le vendre à la ville voisine. Un grand seigneur lui en offrit 10 000 pièces d'or. Il rentra chez lui fou de joie. Il acheta pour ses parents une belle maison et devint un honorable négociant en bois. L'humble Ozaku ne participait pas à l'allégresse générale. Elle se remettait difficilement de son travail épuisant et son regard, autrefois si confiant, se nuançait de mélancolie. Peu à peu, cependant, elle recouvra une santé précaire.